funny. Sit up. For me, some in to tell me no. Ha! Put a new pack of gems in the Tell them on the city, can you exprimer l'amour nous? On se perd dans des querelles inutiles. Des raisons souvent si futiles. On devrait privilégier tous ces moments avec ceux qu'on aime. Qu'on aime. Qu'on aime. Papa, y a ton l'air. Just no need.